Chapitre 32e 5h du soir. Nous voici en pleine tempête sur l'Amazone. Nous venons d'être forcés de chercher un abri au milieu d'un amas d'arbres brisés. On entend un très grand bruit dans le fleuve. Je ne sais si c'est un effet de courant contraire qui se heurte. Mes hommes essayent de raccommoder une voile qui a été déchirée après avoir failli être emportée. Nous sommes percés à jour par la pluie. Le tonnerre semble être sur notre tête. Assis sous ma tonnelle, je me couvre de mon parapluie. Si cet état dure longtemps, mes effets seront perdus. 6h, la nuit approche, le temps se calme. Tout à l'heure, un grand vautour est venu se poser sur un de ces troncs d'arbres brisés au milieu desquels nous avons trouvé un abri. Mon fusil n'a pas parti, l'humidité avait produit son effet. Il n'est pas prudent de quitter le lieu où nous sommes, on s'arrange pour y passer la nuit. Le beau temps est revenu tout à fait. La voile est raccommodée tant bien que mal, le vent est bon, vamos. Vers midi, la chaleur était bien forte. La tourmente avait recommencé à nous balloter. Mes deux singes, qui pendant la tempête de la veille n'avaient cessé de crier, recommençaient de plus belle. Mais cette fois, cela n'eut pas de suite. Ce n'était qu'une légère réminiscence. La journée fut bonne et la nuit aussi. On avait poussé au large et nous avions descendu, nous laissant entraîner par le courant. J'avais essayé de dormir, étendu sur ma natte, à l'abri de ma tonnelle. Mais la chaleur ne m'avait pas permis de rester ainsi. Il m'avait fallu mettre mes pieds à la place où je mettais ma tête dans la journée. De cette façon, j'avais un peu d'air à la figure. Seulement, j'avais la tête un peu plus bas que les pieds. Mais du moins, je n'étouffais pas. Plusieurs journées se passèrent sans événement. Nous désirions arriver près d'une de ces plages de sable sur lesquelles on peut descendre, et ce fut une grande joie. Quand nous vîmes au loin une ligne blanche tranchée sur le fond obscur des forêts vierges. Avant ce moment, une descente à terre nous était interdite. Les rivages, à découvert par l'abaissement des eaux, formaient d'immenses degrés, résultat des différentes couches de détritus que le fleuve avait déposées en se retirant. Si on se fût hasardé sur ces marches de terre détrempées, à l'instant même, enfouies à une grande profondeur, sans qu'aucun secours humain vous fût venu en aide, car pour vous retirer de ce gouffre, il lui fallut un point d'appui. Les pagaies firent leur office vigoureusement et nous abordâmes. Les Indiens s'empressèrent de tirer le canot à terre. Polycarpe prit son fusil, le garde son shako, et moi tout mon attirail de chasse. Tout l'équipage avait sauté dans l'eau, qui était tiède, et chacun s'en alla, selon ses goûts, chercher fortune sur l'étendue de terrain qui était possible de parcourir. Je ne m'occupais donc de personne, et je partis chasser à l'aventure, forcé de revenir bien souvent sur mes pas, car de toutes parts, je rencontrais des endroits mous et profonds, et comme je ne me souciais pas d'être enterré tout vif, je choisissais mon chemin. Cette fois, ma chasse fut heureuse, mais arrêté par des bois impénétrables, je revins près du canot. Polycarpe s'était dégourdi. La gourmandise avait produit plus d'effet que mes paroles. Il avait trouvé un grand nombre d'œufs d'une espèce de tortue que les Indiens nomment Tragaja. Les œufs de cette tortue, contrairement à ceux des grosses que je connaissais, ont une coque dure. J'ai cherché vainement plus tard dans le sable les amas d'œufs que ces tortues y cachent. Les Indiens étaient plus heureux. Ils reconnaissaient certaines traces imperceptibles, car je crois me souvenir que les tortues, en se retirant, effacent d'abord celles qu'elles ont faites. Les vents et les pluies font le reste. Je voyais à quelque distance des volées de grands oiseaux appelés cigana. Mais nous étions séparés d'eux par une petite anse. Nous avons dû embarquer de nouveau, et je pus abattre un de ces oiseaux qui, déjà depuis longtemps, à bord du vapeur, était le but de mon ambition. Je l'apportai triomphalement au canot. J'étais occupé à recharger mon fusil. J'avais déposé en lieu sûr mon revolver, dont l'effet avait été produit, ne me souciant pas de l'avoir continuellement sur moi, car n'ayant qu'un pantalon, le frottement ne m'en était pas agréable. Quand j'aperçus un caïman qui se glissait doucement entre les roseaux. Cette vue n'avait rien de bien rassurant, et tout en reculant, je regardais s'il n'avait pas de camarade à terre. Une fois éloigné raisonnablement, je me disposais à lui envoyer une balle dans les yeux, lorsqu'un des Indiens, occupé de son côté à viser les tortues avec ses longues flèches armées d'un fer dentelé, me fit signe de regarder dans le fleuve. Je fus longtemps à distinguer l'objet désigné. Enfin, à une assez grande distance, je vis un point noir, quelque chose ressemblant à une tête, se diriger de notre côté, en paraissant venir d'une île éloignée de nous de plus d'une lieue. Au premier moment, j'eus la pensée que c'était quelque naturel habitant l'île voisine qui venait visiter ses compatriotes. Cependant, la distance qu'il avait à franchir à la nage dans une si grande étendue d'eau et l'impossibilité de nous avoir aperçus de si loin me fit repousser cette première supposition. Cependant, si ce n'était pas un homme, qu'était-ce donc? C'était un jaguar qui nageait droit à nous. Sa belle tête était en peu de temps devenue visible. Il nous avait vus à son tour, mais il ne lui était plus possible de retourner en arrière pour regagner le bord opposé. Ne pouvant compter sur Polycarpe, occupé d'ailleurs fort loin à ses œufs de tortue, bien moins sur le garde et son fusil inoffensif, je profitai de la balle que j'avais glissée dans le mien pour le caïman et j'attendis. Le cœur me battait bien fort. Cette tête que je voyais alors distinctement, il fallait la toucher. J'invoquai le souvenir du brave Gérard, mon ancienne connaissance. Au moment où j'ajustais, l'animal se tourna brusquement et se dirigea d'un autre côté. Il avait compris. Je me mis à courir pour me trouver directement en face de lui et attendre le moment où il poserait le pied à terre. Je voulais le tirer à bout portant, pour plus de certitude. Mais pour exécuter cette manœuvre, je fus arrêté tout net par des épines, des lianes toutes remplies de piquants. J'avais les pieds nus. Il me fut impossible de gravir un petit monticule qui me séparait du lieu où le jaguar allait prendre terre. Et il allait disparaître derrière. En désespoir de cause, je tirai la hâte et le touchai sans doute, car il porta subitement une de ses pattes à sa tête en se grattant l'oreille gauche, comme l'aurait fait un chat. Je le perdis de vue un instant, et quand il reparut de l'autre côté du monticule, je le vis s'enfoncer dans le plus épais du bois. De retour au canot, j'ai dû préparer de suite les oiseaux que j'avais tués. Celui qu'on nomme Sigana est gros comme une petite poule. Il est d'un beau mauve violet, sa tête est tournée d'un panache. Il a le tour du bec bleu de ciel, les yeux rouges laques. Plus loin, j'ai acheté, chemin faisant, une tortue 4 pattes à casse et une poule 3 pattes à casse. Nous avons toujours navigué près du rivage d'une grande île, sur laquelle il ne fallait pas songer à descendre. Ce n'était que d'immenses degrés de boue sur lesquels se penchaient des arbres à moitié déracinés. Arrivés à la pointe de l'île, nous avons trouvé une grande plage et aussitôt tout le monde s'est empressé de se jeter à l'eau et d'amarrer le canot. La chasse et la pêche ont de suite commencé, chacun de nous selon ses goûts particuliers. La plage se prolongeait fort loin. Nous ne pouvions nous procurer du bois pour faire cuire notre tortue. Il fallait traverser une immense flaque d'eau. On prit le parti d'embarquer et d'aller à l'aventure en côtoyant la plage. Je restai à terre et le canot me suivit. Nous arrivâmes ainsi à l'extrémité de la dune, et nous fûmes assez heureux pour trouver un rivage élevé bien au-dessus de l'eau et des arbres en quantité. C'étaient des baobabs à cajou. Ce terrain était pierreux. Il nous fut possible de grimper jusqu'au sommet sans enfoncer. Je fis 2 croquis de ces acajou, dont les racines avaient été lavées par les eaux de l'Amazone quand il avait débordé. Ces racines, ainsi que celles du manglier, ne paraissaient tenir à la terre que par des fils. Les Indiens firent du feu. J'avais acheté une grande marmite en terre. Ils tirèrent d'abord les œufs et en emplirent chacun une grande calebasse qui leur servait tour à tour d'assiette et de verre. Ils y ajoutèrent une certaine quantité d'eau. Cela forma une pâte dont ils parurent faire leur délice. Ils avaient déjà procédé de la même façon avec les œufs de la tracaja. Et selon les habitudes indiennes, ils n'avaient pas songé à m'en offrir. Mais j'y avais songé de mon côté et j'en avais pris 12 que j'avais fait cuire sous la cendre chaude. Il m'avait paru très bon. On fit bouillir l'intérieur de la tortue à peu près comme un pot-au-feu, et le plastron, auquel beaucoup de chair restait attaché, fut lié à une baguette et rôti simplement. Nous avions des provisions pour plusieurs jours. Chaque homme prit sa part et en mangea comme il l'entendit. Moi, je pris la gamelle entre mes jambes, je trempai mon biscuit dans le bouillon, qui me parut délicieux, et je fis un excellent repas. Puis vint la distribution de la cachaça, dont j'augmentais la dose afin d'encourager tout mon monde.